En fait, ce que je voulais dire, juste par rapport à... Il y a un truc que je veux... C'est que ce qu'il a dit Cheikh Mohamed Abdel Wahab, pour moi, d'après ce que j'ai compris, si j'ai mal compris, bah tu me corriges. Moi, je vois que Mohamed Abdel Wahab, il a fait rentrer le deuxième pilier, l'inzal an shirk fi ibadatillah wa taghlid. Il n'y a pas de sang? Vous m'entendez pas? Parce que le frère Abou Salman, il n'entend pas. Tu m'entends? Abou Salman. T'as du sang ou pas? Non. Moi, je vois que Mohamed Abdullah, quand il a fait rentrer certains choses, certains trucs, comme on a dit l'inver, et tout cela, il a fait partie de Asluddin. Il veut parler de cela. Il parle pas de. On est d'accord par rapport à ce qu'il manifeste, ce qu'il fait pas de da'wah au tawhid. Un exemple, bien sûr, s'il fait pas de da'wah au tawhid, il est pas mécréant. C'est la de Asluddin, ça c'est clair. Mais moi, je te parle de la deuxième règle où le Cheikh, il l'a cité, c'est là où il a dit. ومن فعله فلا وتكفير من فعله على فاين دي وتكفير من فعله فلا يتم مقام التوحيد الا بهذا. Il parle de la deuxième règle, il parle pas de la première. Ça, c'est ce que j'ai compris, quoi. Et deuxième chose, Zamir. Zamir يعود على الثانية يا أخي. أنا ce que j'ai compris. Parce qu'il a détaillé la première, il a pas cité celle-ci. لا يرجع على الاثنين أخي. لا يرجع للاثنين لانه الاولى كان فصل الى بيان دي طاي لا بروميير الى با سيتي سا الى با سيتي سا والله اعلم. نو اخي سي با نو لا مستعان لا سي با سا اخي سي با سا الله العفو العافيه نو سي با سا. Non, je le sais. Parce que franchement, c'est Inch'Allah khair. Barakallahu fik ala al-tawdih. Deuxième chose, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai cité sur le fait de celui qui connaît le tawhid, qui connaît le tawhid, il connaît le tawhid. يعني من عرف التوحيد سلولا توجد جتدي لي كافر الشيخ يفوا كي سي ان كافر سلو كي كون جيستي جو ما رابل بلو كاسكو جيستي تو تالا سلو كي يل في اتون جو لا شيرشي بون لا سيتي. Non, je t'ai dit celui qui connaît le tawhid. Non, j'ai pas dit celui. Je t'ai dit le dernier, le plus dangereux, c'est celui qui connaît le tawhid. Il connaît le tawhid. Voilà qu'il l'a mis à Arif Kadraou. C'est celui-là, je pense. Je dis celui-là. Man Arif al-Tawhid. Man Arif al-Tawhid. Celui-là, je pense que j'ai cité tout à l'heure. Man Arif al-Tawhid. Voilà mis à Arif Kadraou. Voilà mis à Bourz. Je pense que celui-là, voilà mieux pour les mouchriquim. Celui-là, Cheikh, il dit, c'est le plus dangereux. Celui-là qui connaît le tawhid, mais il a pas connu sa valeur, mais il connaît pas sa valeur. Celui-là, le plus mécréant par rapport aux autres. C'est le plus dangereux. C'est un mécréant. Mais toi, tout à l'heure, je sais pas, t'as dit c'est un musulman ou j'ai mal entendu, je sais pas. Parce que c'était celui-là, j'ai dit c'est un mécréant. Il connaît le tawhid.